Le quotidien coréen de Dong Simun en date du 9 août présente un écrit de Ryu Il-on sous le titre « Que les réactionnaires japonais n'agissent pas à la légère devant notre force nucléaire impitoyable ». L'auteur note entre autres « Ces jours-ci, les aventures militaires des réactionnaires japonais contre notre république dépassent les bornes. Le 4 courant, lors d'une conférence de presse, le nouveau ministre japonais de la Défense en Odera a publié officiellement la position de son établissement qui examine le problème de possession de la capacité de frappe des bases ennemies visant la première frappe contre les bases de missiles du Nord, comme le projet de riposte à l'égard de notre lancement des fusées balistiques. Rappelons que les réactionnaires japonais s'étaient démenés frénétiquement à chaque prise de nos mesures pour le renforcement de la capacité d'autodéfense. Leur but est d'avoir une justification pour introduire activement les forces du corps d'autodéfense japonais dans la péninsule coréenne sous prétexte de la menace de nos missiles et de mettre sur pied une base pour réaliser l'ambition d'expansion d'outre-mer. Et lorsque les impérialistes américains, effrayés par notre contre-mesure ultra-dure, avaient déversé leur colère sur un pays faible du Moyen-Orient sous prétexte d'un certain usage d'armes chimiques, les réactionnaires japonais avaient félicité leur suzerain américain de son courage et prétendu que le Nord peut éventuellement lancer le missile muni du gaz sarine. Cette démarche aussi vise à aggraver encore plus la tension de la région afin de réaliser leur ambition pour le rétablissement du militarisme. Les actes infantiles des réactionnaires japonais sont directement liés à l'objectif de la bande d'Abe, qui cherchent à s'échapper de la pire crise de pouvoir causée par l'incapacité de leur politique. Les réactionnaires nippons font du tapage autour de l'hypothèse de première frappe contre notre république pour détourner l'attention de la presse et focaliser le sujet de discussion interne du pays aux problèmes de sécurité face à la menace du Nord, afin de ramener l'opinion publique anti-gouvernementale en expansion. Nos mesures pour la sophistication des forces nucléaires autodéfensives sont le choix stratégique pour mettre un terme une fois pour toutes à la politique d'hostilité et à la menace de guerre nucléaire des impérialistes américains contre la Corée continuée de siècle en siècle. Les réactionnaires japonais doivent savoir que s'ils continuent à agir à la légère, ils ne pourront échapper au coup nucléaire impitoyable et que dans ce cas, l'archipel japonais entier pourra s'immerger dans le Pacifique.